Zacharie redoubla de zèle et de soin auprès de moi. Je croyais, en l'écoutant, entendre une voix sortie du ciel. Quelle leçon n'offrait point la seule vue de l'héritier chrétien de Cassius et de Brutus ? Le stoïque meurtrier de César, après une vie courte, libre, puissante et glorieuse, déclare que la vertu n'est qu'un fantôme. Le charitable disciple de Jésus-Christ, esclave, vieux, pauvre, ignoré, proclame qu'il n'y a rien de réel ici-bas que la vertu. Ce prêtre, qui ne paraissait savoir que la charité, avait toutefois l'esprit de science et un goût pur des arts et des lettres. Il possédait les antiquités grecques, hébraïques et latines. C'était un charme de l'entendre parler des hommes des anciens jours, en gardant les troupeaux des barbares. Il m'entretenait souvent des coutumes de nos maîtres. Il me disait « Quand vous serez retourné dans la Grèce, mon cher Eudore, on s'assemblera autour de vous pour vous ouïr conter les mœurs des rois à la longue chevelure. Vos malheurs présents vous deviendront une source d'agréables souvenirs. Vous serez, parmi ces peuples ingénieux, un nouvel Hérodote, arrivé d'une contrée lointaine pour les enchanter de vos merveilleux récits. Vous leur direz qu'il existe dans les forêts de la Germanie un peuple qui prétend descendre des Troyens, car tous les hommes, ravis des belles fables de vos Hélènes, veulent y tenir par quelque côté. Que ce peuple, formé de diverses tribus de Germains, les Sicambres, les Bructères, les Saliens, les Cates, a pris le nom de Franc, qui veut dire libre, et qu'il est digne de porter ce nom. Son gouvernement est pourtant essentiellement monarchique. Le pouvoir, partagé entre différents rois, se réunit dans la main d'un seul lorsque le danger est pressant. La tribu des Saliens, dont Pharamond est le chef, a presque toujours l'honneur de commander parce qu'elle passe parmi les barbares pour la plus noble. Elle doit cette renommée à l'usage qui exclut chez elle les femmes de la puissance et ne confie le sceptre qu'à un guerrier. Les Francs s'assemblent une fois l'année, au mois de mars, pour délibérer sur les affaires de la nation. Ils viennent au rendez-vous, tout armés. Le roi s'assied sous un chêne. On lui apporte des présents, qu'il reçoit avec beaucoup de joie. Il écoute la plainte de ses sujets, ou plutôt de ses compagnons, et rend la justice avec équité. Les propriétés sont annuelles. Une famille cultive chaque année le terrain qui lui est assigné par le prince. Et après la récolte, le champ moissonné rentre dans la possession commune. Le reste des mœurs se ressent de cette simplicité. Vous voyez que nous partageons, avec nos maîtres, la saie, le lait, le fromage, la maison de terre, la couche de peau. Vous fûtes hier témoin du mariage de Mérové. Un bouclier, une francisque, un canot d'osier, un cheval bridé, deux bœufs accouplés, ont été les présents de noces de l'héritier de la couronne des Francs. Si, dans les jeux de son âge, il saute mieux qu'un autre au milieu des lances et des épées nues, s'il est brave à la guerre, juste pendant la paix, il peut espérer, après sa mort, un bûcher funèbre, et même une pyramide de gazon pour couvrir son tombeau. Ainsi me parlait Zacharie. Le printemps vint enfin ranimer les forêts du nord. Bientôt, tout changea de face dans les bois et dans les vallées. Les angles noircis des rochers se montrèrent les premiers sur l'uniforme blancheur des frimas. Les flèches rougeâtres des sapins parurent ensuite, et de précoces arbrisseaux remplacèrent par des festons de fleurs les cristaux glacés qui pendaient à leur cime. Les beaux jours ramenèrent la saison des combats. Une partie des Francs reprend les armes, une autre se prépare à aller chasser l'auroch et les ours dans les contrées lointaines. Mérové se mit à la tête des chasseurs, et je fus compris au nombre des esclaves qui devaient l'accompagner. Je dis adieu à Zacharie et me séparai pour quelque temps du plus vertueux des hommes. Nous parcourûmes avec une rapidité incroyable les régions qui s'étendent depuis la mer de Scandie jusqu'aux grèves du pont Euxin. Ces forêts servent de passage à 100 peuples barbares qui roulent tour à tour leurs torrents vers l'Empire romain. On dirait qu'ils ont entendu quelque chose au midi qui les appelle du septentrion et de l'aurore. Quel est leur nom, leur race, leur pays? Demandez-le au ciel qui les conduit, car ils sont aussi inconnus aux hommes que les lieux d'où ils sortent et où ils passent. Ils viennent, tout est préparé pour eux. Les arbres sont leurs tentes, les déserts sont leurs voies. Voulez-vous savoir où ils ont campé? Voyez ces ossements de troupeaux égorgés, ces pins brisés comme par la foudre, ces forêts en feu et ces plaines couvertes de cendres. Nous eûmes le bonheur de ne rencontrer aucune de ces grandes migrations. Mais nous trouvâmes quelques familles errantes, auprès desquelles les Francs sont un peuple policé. Ces infortunés, sans abri, sans vêtements, souvent même sans nourriture, n'ont pour consoler leurs maux qu'une liberté inutile et quelques danses dans le désert. Mais, lorsque ces danses sont exécutées au bord d'un fleuve, dans la profondeur des bois, que l'écho répète pour la première fois les accents d'une voix humaine, que l'ours regarde du haut de son rocher ces jeux de l'homme sauvage, on ne peut s'empêcher de trouver quelque chose de grand dans la rudesse même du tableau, de s'attendrir sur la destinée de cet enfant de la solitude qui naît inconnu du monde, foule un moment des vallées où il ne repassera plus, et bientôt cache sa tombe sous la mousse des déserts, qui n'a pas même conservé l'empreinte de ses pas. Un jour, ayant passé l'Ister vers son embouchure et m'étant un peu écarté de la troupe des chasseurs, je me trouvai à la vue des flots du pont Euxin. Je découvris un tombeau de pierre sur lequel croissait un laurier. J'arrachai les herbes qui couvraient quelques lettres latines, et bientôt je parvins à lire ce premier vers des élégies d'un poète infortuné. « Mon livre, vous irez à Rome, et vous irez à Rome sans moi. » Je ne saurais vous peindre ce que j'éprouvais en retrouvant au fond de ce désert le tombeau d'Ovide. Quelle triste réflexion ne fis-je point sur les peines de l'exil, qui étaient aussi les miennes, et sur l'inutilité des talents pour le bonheur. Rome, qui jouit aujourd'hui des tableaux du plus ingénieux de ses poètes, Rome a vu couler 20 ans d'un œil sec les larmes d'Ovide. Les Francs n'avaient traversé de si vastes contrées qu'afin de visiter quelques tribus de leur nation, transportés autrefois par Probus au bord du pont Euxin. Nous apprîmes, en arrivant, que ces tribus avaient disparu depuis plusieurs mois et qu'on ignorait ce qu'elles étaient devenues. Mais Rové prit à l'instant la résolution de retourner au camp de Pharamond. La Providence avait ordonné que je retrouverais la liberté au tombeau d'Ovide. Lorsque nous repassâmes auprès de ce monument, une louve qui s'y était cachée pour y déposer ses petits s'élança sur mes rovées. Je tuai cet animal furieux. Dès ce moment, mon jeune maître me promit de demander ma liberté à son père. Je devins son compagnon pendant le reste de la chasse. Il me faisait dormir à ses côtés. Quelquefois, je lui parlais de la bataille sanglante où je l'avais vu traîner par 3 taureaux indomptés. Il tressaillait de joie au souvenir de sa gloire. Quelquefois aussi, je l'entretenais des costumes et des traditions de mon pays. Mais de tout ce que je lui racontais, il n'écoutait avec plaisir que l'histoire des travaux d'Hercule et de Thésée. Quand j'essayais de lui faire comprendre nos arts, il brandissait sa framée et me disait avec impatience « Grec, grec, je suis ton maître !» Après une absence de plusieurs mois, nous arrivâmes au camp de Pharamond. La hutte royale était déserte. Le chef à la longue chevelure avait eu des hôtes. Après avoir prodigué en leur honneur tout ce qu'ils possédaient de richesses, il était allé vivre dans la cabane d'un chef voisin, qui, ruiné à son tour par le monarque barbare, s'était établi avec lui chez un autre chef. Nous trouvâmes enfin Pharamond goûtant, assis à un grand repas, les charmes de cette hospitalité naïve, et il nous apprit le sujet de ces fêtes. Au milieu de la mer des Suèves se voit une île appelée Chaste, consacrée à la déesse Hertha. La statue de cette divinité est placée sur un char toujours couvert d'un voile. Ce char, traîné par des génisses blanches, se promène à des temps marqués au milieu des nations germaniques. Les inimitiés sont alors suspendues et pour un moment les forêts du nord cessent de retentir du bruit des armes. La déesse mystérieuse venait de passer chez les barbares et nous étions arrivés au milieu des réjouissances que cause son apparition. Zacharie eut à peine un moment pour me serrer dans ses bras. Tous les chefs étaient convoqués au banquet solennel. On devait y traiter de la conclusion de la paix ou de la continuation de la guerre avec les Romains. Je fus chargé du rôle des chansons et Mérové prit sa place au milieu des guerriers. Ils étaient rangés en demi-cercle, ayant au centre le foyer où s'apprêtaient les viandes du festin. Chaque chef, armé comme pour la guerre, était assis sur un faisceau d'herbe ou sur un rouleau de peau. Il avait devant lui une petite table séparée des autres, sur laquelle on lui servait une portion de la victime, selon sa vaillance ou sa noblesse. Le guerrier reconnu pour le plus brave, et c'était Mérové, occupait la première place. Des affranchis, armés de lances et de boucliers, portaient çà et là des trépieds chargés de viande et des cornes de roc pleines de liqueurs de froment. Vers la fin du repas, on commença à délibérer. Il y avait dans la ligue des Francs un Gaulois appelé Camulogène, descendant du fameux vieillard qui défendit Lutèce contre Labiénus, lieutenant de Jules. Élevé parmi les 40 000 disciples des écoles d'Augusto Dunum, il avait perfectionné une éducation brillante sous les rhéteurs les plus célèbres de Marseille et de Burdigalie. Mais l'inconstance naturelle aux Gaulois et un caractère sauvage l'avaient jeté d'abord dans la révolte des Bagaudes. Ces paysans soulevés furent domptés par Maximien et Camulogène passa chez les Francs qui l'adoptèrent à cause de sa valeur et de ses richesses. Les prêtres du banquet de Pharamond avaient fait faire silence. Le Gaulois se leva et, peut-être lassé secrètement d'un long exil, il proposa d'envoyer des députés à César. Il vanta la discipline des légions romaines, les vertus de Constance, les charmes de la paix et la douceur de la société. « Qu'un Gaulois nous parle de la sorte, répondit Clodéric, chef d'une tribu des Francs, cela ne doit pas nous surprendre. Il attend quelques récompenses de ses anciens maîtres. J'avoue que le cep de vigne d'un centurion est plus facile à manier que ma framée, et qu'il est moins périlleux d'adorer César sur la pourpre au Capitole que de le mépriser dans cette hutte sur une peau de loup. Je les ai vus dans Rome même, ces avides possesseurs de tant de palais, qui sont assez à plaindre pour désirer encore une cabane dans nos forêts. Croyez-moi, ils ne sont pas si redoutables que la frayeur d'un Gaulois vous les représente. Conquis par cette nation de femmes, les Gaulois peuvent demander la paix s'ils le veulent. Pour Clodéric, il sent en lui quelque chose qui le porte à brûler le Capitole et à effacer le nom romain de la terre. » L'assemblée applaudit à ce discours en agitant les lances et en frappant sur les boucliers. « Allez donc à Rome, répartit le Gaulois avec impétuosité. Que faites-vous ici, cachés dans vos forêts? Quoi, brave, vous parlez de passer le Tibre et vous n'avez pu encore franchir le Rhin? » Les serfs gaulois, conquis par une nation de femmes, n'étaient pas assis tranquillement à un repas lorsqu'ils ravageaient cette ville que vous menacez de loin. Ignorez-vous que l'épée de fer d'un Gaulois a seul servi de contrepoids à l'empire du monde? Partout où il s'est remué quelque chose de grand, vous trouverez mes ancêtres. Les Gaulois seuls ne furent point étonnés à la vue d'Alexandre. César les combattit 10 ans pour les soumettre, et Vercingétorix aurait soumis César si les Gaulois n'eussent été divisés. Les lieux les plus célèbres dans l'univers ont été assujettis à mes pères. Ils ont ravagé la Grèce, occupé Byzance, campé sur les ruines de Troie, possédé le royaume de Mithridate, et vaincu, au-delà du Taurus, ces sites qui n'avaient été vaincus par personne. Le destin de la terre paraît attaché à mes ancêtres, comme une nation fatale et marquée d'un sceau mystérieux. Tous les peuples semblent avoir ouï successivement cette voix qui annonça l'arrivée de Brennus à Rome, et qui disait à Sédicius, au milieu de la nuit, « Sédicius, va dire aux tribuns que les Gaulois seront demain ici. » Camulogène allait continuer, lorsque Cloderic, l'interrompant par de bruyants éclats de rire, frappant du pommeau de son épée la table du festin et renversant son vase à boire, s'écria « Roi chevelu, avez-vous compris quelque chose au long propos de cette prophétesse des Gaulois ? Qui de vous a entendu parler de cet Alexandre, de ce Mithridate ? Camulogène, si tu sais faire de grands discours dans la langue de tes maîtres, épargne-toi la peine de les prononcer devant nous. Nous défendons à nos enfants d'apprendre à lire et à écrire, cet art de la servitude. Nous ne voulons que du fer, des combats, du sang. » Des cris tumultueux s'élevèrent dans le conseil des barbares, le Gaulois se vengeant de l'insulte par le mépris, puisque le fameux Cloderic ne connaît pas Alexandre et n'aime pas les longs discours, je ne lui dirai qu'un mot. Si les Francs n'ont pas d'autres guerriers que lui pour porter la flamme au Capitole, je leur conseille d'accepter la paix, à quelque prix que ce puisse être. « Traître ! » s'écria le Sicambre, écumant de rage. « Avant que peu d'années se soient écoulées, j'espère que ta nation changera de maître. Tu reconnaîtras, en cultivant la terre pour les Francs, quelle est la valeur des rois chevelus. » « Si je n'ai que la tienne à craindre, » repartit ironiquement le Gaulois, « je ne me donnerai pas la peine de recueillir l'œuf du serpent à la lune nouvelle, afin de me mettre à l'abri des malheurs que me prépare Teutates. » À ces mots, Cloderic furieux tendit à Camulogène la pointe de sa framée, en lui disant d'une voix étouffée par la colère, « Tu n'oserais seulement y porter la vue. »« Tu mens !» répartit le Gaulois, tirant son épée et se précipitant sur le franc. On se jeta entre les deux guerriers. Les prêtres firent cesser ce nouveau festin des centaures et des lapites. Le lendemain, jour où la lune avait acquis toute sa splendeur, on décida dans le calme ce qu'on avait discuté dans l'ivresse. Alors que le cœur ne peut feindre et qu'il est ouvert aux entreprises généreuses. On se détermina à faire des propositions de paix aux Romains, et, comme Mérovée, fidèle à sa parole, avait déjà obtenu ma liberté de son père, il fut résolu que j'irais à l'instant porter les paroles du conseil à Constance. Zacharie et Clotilde vinrent m'annoncer ma délivrance. Ils me conjurèrent de me mettre en route sur le champ pour éviter l'inconstance naturelle aux barbares. Je fus obligé de céder à leurs inquiétudes. Zacharie m'accompagna jusqu'à la frontière des Gaules. Le bonheur de recouvrer ma liberté était balancé par le chagrin de me séparer de ce vieillard. En vain je le pressais de me suivre, en vain je m'attendris sur les maux dont il était accablé. Il cueillit en marchant une plante de lys sauvage dont la cime commençait à percer la neige, et il me dit « Cette fleur est le symbole du chef des Saliens et de sa tribu. Elle croît naturellement plus belle parmi ces bois que dans un sol moins exposé aux glaces de l'hiver. Elle efface la blancheur des frimas qui la couvrent et qui ne font que la conserver dans leur sein au lieu de la flétrir. J'espère que cette rude saison de ma vie, passée auprès de la famille de mon maître, me rendra un jour comme ce lys aux yeux de Dieu. L'âme a besoin pour se développer dans toute sa force d'être ensevelie quelque temps sous les rigueurs de l'adversité. » En achevant ces mots, Zacharie s'arrêta, me montra le ciel où nous devions nous retrouver un jour, et, sans me laisser le temps de me jeter à ses pieds, il me quitta après m'avoir donné sa première leçon. C'est ainsi que Jésus-Christ, dont il imite l'exemple, se plaisait à instruire ses disciples, en se promenant au bord du lac de Génésareth, et faisait parler l'herbe des champs et les lys de la vallée.